السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، الحديث 23، الحديث 23 d'après أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه أدي Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification est la moitié de la foi. Alhamdulillahi remplit la balance. Subhanallahi walhamdulillahi remplit tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Et la prière est une lumière. L'aumône, une preuve. La patience, une clarté. Et le Coran est un argument pour ou contre toi. Chaque personne de bon matin part faire commerce de son âme en la sauvant ou en la faisant périr. Rapporté par Muslim. Ce hadith donc est aussi un immense hadith faisant partie, comme le précédent, de Al-Jawami' Jawami' al-Kalim alladhi utiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc de Jawami' al-Kalim, comme cité précédemment, qui fut donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à sa parole, la purification est la moitié de la foi. At-tuhuru shatrul iman. Elle a été expliquée par les gens de science par deux sens. Quant au premier, qui est le plus général, il est que le sens de la purification ici est de se purifier de toutes les impuretés et les souillures al-ma'nawiyya qui ne sont pas matérielles, c'est-à-dire les impuretés qui ne sont pas palpables, mais les impuretés qui viennent souiller le cœur de la personne, son âme et ses membres, comme la souillure, l'impureté du shirk, du polythéisme. Donc, qui est la pire des impuretés et des souillures? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet, à propos des polythéistes. D'après l'essence du verset, ô vous qui avez cru, certes, les polythéistes ne sont qu'impuretés. Les polythéistes ne sont qu'impuretés. Najasa. Surat al-Tawbah, verset numéro 28. Tout comme le fait de se purifier des souillures du cœur qui sont autres, comme l'ostentation qui fait partie du shirk, comme l'accomplissement des actes interdits ou le délaissement des actes obligatoires. Donc ici, ce qui est voulu par la purification est le fait de délaisser ces actes qui vont venir souiller, rendre impur le cœur de la personne, son âme et ses membres. Et cela comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le cite à propos du peuple de Lot alayhi salam, qui ont dit à propos des croyants qui délaissaient et qui n'accomplissaient pas l'acte horrible que eux accomplissaient, qui était d'avoir des rapports entre hommes du même sexe. Donc, ils ont dit, donc le peuple de Lot, au sujet des croyants, Innahum unasun yatataharun. Akhrijou ala Lotim min qaryatikum. Innahum unasun yatataharun. Donc, expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs. Surat al-A'raf, verset numéro 82. Donc ici, yatataharun. Donc ce sont des gens qui veulent se garder purs, donc ils se purifient de commettre ces actes interdits et ces grands péchés. Donc ici, le fait de s'écarter et de délaisser ces impuretés qui sont ma'nawiya, donc ils ne sont pas palpables, qui sont le shirk en premier lieu, et le reste des actes, le reste d'actes, des actes de désobéissance. Donc cela sera considéré comme étant la moitié de la foi. Shatrul iman. Cela car la foi se divise en deux catégories, deux parties. La première qui est le fait de délaisser, donc de délaisser les actes interdits, et tark, et la deuxième qui est le fait d'accomplir les actes obligatoires. Et donc ici, le fait de délaisser les actes qui vont rendre le corps et le cœur et l'âme impurs sera la première des parties. Donc il restera à la personne d'accomplir la deuxième moitié en accomplissant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tuhuru shatrul iman. Donc la purification est la moitié de la foi. Puis quant au deuxième sens qui a été cité par les gens de science concernant cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tuhuru shatrul iman, la purification est la moitié de la foi, il est que ce qui est voulu ici par la purification est la purification faite avec de l'eau, qu'elle soit la purification majeure, comme celle pour Al-Janaba, ou celle qui est faite pour la femme après qu'elle ait eu ses menstrues ou ses lochis, ou bien la purification mineure, comme la purification qui est faite par les ablutions pour la prière. Donc, le sens ici de la purification sera le fait de se purifier de manière apparente avec de l'eau. Et ici, le sens de la foi sera donc la prière. Donc le sens est que la purification par l'eau est la moitié de la prière. Donc ici, il sera voulu par ce sens le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait désigné et appelé la prière foi. Donc cela, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, dans sa parole, après qu'il ait subhanahu wa ta'ala ordonné aux musulmans de se diriger vers la Qibla, vers la Mecque, vers la mosquée sacrée de la Mecque, lors de la prière, alors qu'auparavant, donc il se dirigeait vers Al-Bayt Al-Maqdis, donc vers Al-Masjid Al-Aqsa. Donc à ce moment-là, certaines personnes se sont demandées au sujet de la prière des musulmans, des compagnons, qui sont morts avant que la Qibla ne change. Donc ces compagnons-là priaient encore vers Bayt Al-Maqdis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah n'est pas de tel à faire perdre votre foi, c'est-à-dire votre prière. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la foi, a appelé la prière, foi. Donc le deuxième sens est que la purification par l'eau est la moitié de la prière. Et comme nous savons, donc la purification par l'eau est une des conditions de la prière qui est elle-même, donc la prière, à la tête des œuvres de la foi. Et le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah nous dit, au sujet de ces deux sens, il nous dit rahimahullah, mais le premier sens est meilleur. Mais le premier sens, donc, est meilleur et plus général. Donc le premier sens qui est que la purification dans ce hadith-là a pour sens le fait de se purifier des impuretés marnawiya qui sont le shirk et les péchés et le fait de délaisser les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, et alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah, remplit la balance. Et subhanallah wa alhamdulillah remplit tout ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Nous avons dans cette partie du hadith ce qui montre le mérite des louanges et des glorifications faites à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi, donc remplit la balance, donc la balance des œuvres yawm al-qiyamah. Alhamdulillahi, toutes les louanges reviennent à Allah. Donc il y a le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui faire des éloges par amour pour ce qu'il a subhanahu wa ta'ala comme perfection absolue. Alhamdulillahi, donc toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a subhanahu wa ta'ala comme perfection absolue de tout point de vue. Dans son essence, subhanahu wa ta'ala, dans ses noms et attributs qui sont les plus parfaits, dans tous ses actes, subhanahu wa ta'ala, qui tournent autour de la grâce, la justice et la sagesse. Al-fadl, al-adl, wal-hikmah. Puis, subhanallah, qui est appelé al-tasbih, donc qui est le fait d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de tout défaut et de toute imperfection, et de toute chose qui ne lui suit pas, subhanahu wa ta'ala, comme les attributs de manquement et d'imperfection, ou comme une ressemblance à ses créatures, subhanahu wa ta'ala, pour à l'inverse lui affirmer la perfection absolue. Donc, alhamdulillahi wa subhanallah. Puis sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, la prière est une lumière. Wa salatu nurun. C'est-à-dire une lumière de manière générale. Car le hadith ici, le mot nur a été cité sans condition. Il n'a pas été dit une lumière dans le cœur, une lumière dans le visage, une lumière yawm al-qiyamah. Mais il a seulement dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa salatu nurun. Et donc la règle qui est citée est que le mutlaq reste mutlaq tant que nous n'avons pas une preuve qui vient restreindre le sens. Donc ici, la prière est une lumière dans le cœur du croyant. Donc son cœur s'illumine par cette prière pour celui qui l'accomplit de la manière qui lui est ordonnée, par présence du cœur. Donc celui-ci prendra du plaisir à l'accomplir et son cœur sera illuminé par la prière. Elle sera aussi une lumière sur le visage du prieur, pour celui qui l'accomplit comme il se doit. Une lumière dans la tombe du croyant. Une lumière pour lui, yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. As-salatu nurun. Donc un point qui pousse le musulman à s'efforcer de parfaire sa prière, que cela soit de manière apparente et intérieure. Intérieure par la présence du cœur, par le fait de méditer sur ce qu'il dit dans sa prière, ses invocations, ses versets qu'il dit, de manière apparente, en préservant ses piliers, ses conditions, ses actes obligatoires et ses actes recommandés, pour qu'il puisse profiter du mérite de cette prière, qui est, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une lumière pour le croyant. Puis sa parole sallallahu alayhi wa sallam, wa sadaqatu burhanun, et l'aumône est une preuve, burhanun une preuve, c'est-à-dire une preuve de la véracité, de la foi de son honneur, de son auteur. Donc l'auteur de l'aumône aura avec lui une preuve montrant la véracité de sa foi. Car, comme nous le cite le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, il nous dit rahimahullah, l'argent est une chose aimée par l'âme. Et la chose aimée par l'âme ne peut être dépensée que dans la demande ou la recherche d'une chose qui est plus aimée. Cela montre donc la foi de celui qui fait aumône. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme étant une preuve. Wa sadaqatu burhanun. Puis sa parole sallallahu alayhi wa sallam, wa sabru diya, et la patience, l'endurance est une clarté. Donc la patience, qui est de trois catégories, la patience, l'endurance dans le délaissement des interdits, la patience, l'endurance dans l'accomplissement des obligations, la patience face aux décrets douloureux qui peuvent toucher le serviteur. Donc, cela par le fait de retenir premièrement son cœur, de se mettre en colère face aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, retenir ses membres face à l'accomplissement de ce qu'il n'aime pas subhanahu wa ta'ala, comme le fait de déchirer ses vêtements, comme le fait de se frapper le visage ou autre, de retenir sa langue quant au fait de prononcer ce qu'il n'aime pas subhanahu wa ta'ala, comme le fait d'insulter, de proférer des mauvaises paroles ou autres. Donc celui qui fera cela, donc ces trois types de patience, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, face à la désobéissance et face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela sera pour lui, comme l'a cité le messager sallallahu alayhi wa sallam, une clarté. Une clarté qui viendra éclairer sa clairvoyance et qui lui permettra de cheminer sur une voie claire vers la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et vers son paradis subhanahu wa ta'ala. Puis sa parole sallallahu alayhi wa sallam, wal Qur'an hujjatun laka aw alayk. Et le Coran est un argument pour ou contre toi. Pour toi, si tu accomplis ce qui t'est demandé à son égard, par le fait de le méditer, de croire et de rendre véridiques ses informations, donc ce qu'il contient comme information, d'accomplir ce qu'il ordonne, de délaisser ce qu'il a interdit, de le suivre de la manière dont il doit être suivi, et de le réciter de la manière dont il doit être récité. Ou bien il sera un argument contre toi, ou alayk, cela pour celui qui se détend du Coran et n'accomplit pas ce qui lui est demandé envers le Coran. Donc ne le médite pas, ne cherche pas à le comprendre, ne se soumet pas à ses ordres, ne délaisse pas ce qu'il a interdit et ne rend pas véridique ce qu'il contient comme information. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel vivra certainement une vie pleine de gêne. Et nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, un livre que nous avons fait descendre béni pour qu'il médite sur ces versets et que s'en rappellent les gens doués d'intelligence. Un livre que nous avons fait descendre sur toi, béni, pour qu'il médite sur ces versets et que s'en rappellent les gens doués d'intelligence. Et nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, nous avons certes fait descendre sur vous un livre dans lequel se trouve votre rappel. Ne comprenez-vous donc pas ? لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, فِيهِ ذِكْرُكُمْ, dans lequel se trouve votre rappel, c'est-à-dire votre noblesse, votre élévation, la chose à travers laquelle les musulmans seront élevés. Puis nous dit, subhanahu wa ta'ala, ne comprenez-vous donc pas ? Et il a été rapporté par l'imam muslim, la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, Allah élève certes par ce livre certaines personnes et en rabaisse d'autres. Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah élève certes par ce livre certaines personnes et en rabaisse d'autres. Fal-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Donc le Qur'an est un argument pour ou contre le musulman ou contre la personne. Puis quant à sa parole sallallahu alayhi wa sallam, chaque personne de bon matin part faire le commerce de son âme en la sauvant ou en la faisant périr. Donc ceci est un exemple donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant chaque personne qui chaque jour commerce avec son âme, cela de par les actes qu'il va lui faire accomplir. Certains donc vont vendre leurs âmes à Allah subhanahu wa ta'ala, cela en accomplissant ses ordres subhanahu wa ta'ala, en lui obéissant, en délaissant ses interdits, en s'écartant de ses péchés. Donc celui qui aura cela comme état, aura par cela accompli les causes menant à ce qu'il puisse sauver son âme, la libérer du feu et du châtiment de ce bas monde. Et d'autres mèneront leurs âmes à la perdition. فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. Donc, vont mener leurs âmes à la perdition. Cela, par le fait d'accomplir ou de la laisser accomplir des péchés, des actes de désobéissance, de suivre les passions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, des actes qui vont mener à ce que la personne emprunte le chemin de l'enfer et s'expose au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, nous allons citer certains propos cités par le noble savant, le Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Hafidhahullah, qui nous dit, parmi ce que nous tirons de ce hadith, le mérite de la purification. Donc, comme cité, la purification du cœur, des membres, de toute forme de shirk ou de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ou la purification rituelle faite par l'eau. Et le mérite du tahmid et du tasbih. Donc, le fait de dire Alhamdulillah, les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala, wa subhanallah, les glorifications faites à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'affirmation de la balance par laquelle les œuvres sont pesées, yawm al-qiyamah. Dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi tamla'u al-mizan. Et la parole louange à Allah, toutes les louanges reviennent à Allah, remplit la balance, c'est-à-dire la balance des œuvres, yawm al-qiyamah. Et le mérite de l'aumône est qu'elle est un signe de la foi de son auteur. Was-sadaqatu burhanun. Et nous avons le mérite de la patience, as-sabr, l'endurance, et qu'elle est une clarté pour les endurants, ce qui va venir illuminer, éclairer leur chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons l'incitation à donner de l'importance au Coran par son apprentissage, sa méditation, par le fait d'œuvrer avec celui-ci pour qu'il soit une preuve pour la personne. Et la mise en garde quant au fait d'avoir des manquements à l'égard de ce qui est obligatoire envers le Coran pour ne pas qu'il soit une preuve contre la personne. Et l'incitation à accomplir toute œuvre pieuse menant à ce que la personne libère son âme de l'avilissement dans ce bas monde et du châtiment dans l'au-delà. Et la mise en garde contre toute mauvaise œuvre menant à ce que la personne fasse partie des alliés de Shaitan, de Satan, et des œuvres qui mènent au feu. Intaha kalamuhu hafizahullah. Hada ونسأل الله سبحانه وتعالى بفضله العظيم أن يمن علينا بالاستقامة على دينه حتى نلقاه وأن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق والأعمال ويقينا سيء الأخلاق والأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.